Avertissement. L'émission qui va suivre s'adresse à un auditoire avisé car elle comporte des choix musicaux très rock et dérangeants, ainsi que des propos déstabilisants de la part du dérangé Dr. Pendragon. Les âmes sensibles sont priées de s'abstenir et de choisir plutôt immédiatement une station de balade ou de pop comme Balloon. Nous préférons vous en informer. Vendredi après-midi, le papier, le tabac, le briquet. Bonjour, bienvenue à cette millième émission Rock Classique en ce vendredi 11 novembre 2016. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 6 prochaines heures, dont 5 en compagnie de mon ami l'abominable cauchemar des ondes, qui est le Dr. Pendragon, qui va se joindre à nous dans environ une heure. Et oui, aujourd'hui, nous vous présentons la millième émission Rock Classique. 1000! Ça a pris plus de 20 ans, mais on y est arrivé à cette millième émission Rock Classique. Et question de souligner la chose, le docteur et moi, nous vous avons préparé un programme très spécial puisque la guitare étant l'instrument dominant dans le rock, nous avons décidé de lui consacrer la millième édition en vous proposant aujourd'hui ce que nous considérons comme les meilleurs solos ou parties de guitare de toute l'histoire du rock. Alors, ce sera très subjectif car ce sont entièrement nos choix à nous, le Doc et moi. Au programme, nous allons vous présenter des artistes tels Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Pink Floyd, Van Halen, Frank Marino and Mahogany Rush, Iron Maiden, Metallica, Deep Purple, Black Oak Arkansas et évidemment Curse! Dans la première heure, je vais vous présenter notre portion traditionnelle qui fait place à l'histoire, soit les éphémérides, la chronique des groupes obscurs, une face complète d'un album véné classique, le segment « Ça passe ou ça casse », la chronique du docteur sur la faune et les amateurs de rock, ainsi que nos beaux programmes d'antan. Donc, encore une fois, une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock pour la millième fois. Question de débuter en force et de se mettre dans la thématique immédiatement. Je vous propose tout de suite d'aller écouter un des premiers solos de guitare remarquables qu'on retrouve sur la première chanson d'importance de l'histoire du rock, soit Rock Around the Clock de Bill Haley et ses Comets. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs. Il n'y en a pas d'autres qui le font. Juste nous, assez fous pour le faire, pour la millième fois. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bill Haley and the Comets avec son immense classique We're Gonna Rock Around the Clock. C'est tiré de l'album du même nom paru en 1956, mais c'est enregistré en 1954. Le solo de Rock Around the Clock est considéré comme un des plus brillants et remarquables de l'histoire du rock. Il a été joué par le guitariste de session Danny Cedrone, qui a été payé seulement 21$ pour son travail de studio. Mais à l'époque, en 54, c'était quand même pas mal d'argent, là. La plupart des gens gagnaient même pas ça, là, pour une semaine de travail. Bill Haley, à cette époque, ne considérait pas comme essentiel d'engager un guitariste à temps plein, parce que dans ce temps-là, là, dans les débuts du rock and roll, c'est le saxophone qui était l'instrument dominant. Donc, on faisait appel à Danny Cedrone plutôt, de temps en temps en studio pour jouer avec les Comets. Il a aussi joué sur la pièce Rock the Joint et Shake, Rattle and Roll. Malheureusement, 10 jours après avoir enregistré son solo sur Rock Around the Clock, soit le 17 juin 1954, Danny Cedrone s'est tué en tombant dans des escaliers. Il s'est brisé le cou. Alors, il n'a même pas eu la chance de voir quel impact avait eu sa contribution à la musique populaire et au rock and roll qui était à peine naissant à ce moment-là. 10h10, évidemment, comme le veut la tradition, c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la journée du 11 novembre? D'abord, en 1944, c'était la naissance de Chris Drea, le chanteur des Yardbirds, hein, et malheureusement mort dans les années 70. Il s'est électrocuté dans son garage en branchant une guitare électrique. Et c'est son jeune fils, il y avait quelque chose comme 4 ou 5 ans, qui l'a retrouvé. C'est pas mal horrible comme fin. En 1957, Buddy Holly lançait le 45 tours Peggy Sue, hein, un classique. En 63, les Beatles devaient se costumer en policier afin d'échapper à une foule en délire après un concert à Birmingham. Hein, oui, ils devaient avoir recours comme ça à des stratagèmes parce que leurs fans, leurs admiratrices étaient beaucoup trop enthousiastes, disons. C'était très dangereux. En 65, première apparition sur scène des Velvet Underground à l'occasion d'un bal de secondaire. Et gageons que ça devait être vraiment pas bon parce que Velvet Underground, c'est des vraiment pas des bons musiciens, assez médiocres. En 69, Jim Morrison était emprisonné pour avoir interféré dans le déroulement d'un vol intercontinental et ivresse publique. On n'est pas trop surpris. Les charges retenues contre lui furent abandonnées. Ben oui, il a réussi à convaincre les hôtesses de l'air et le pilote d'abandonner les charges. Mais il a dû passer la nuit en prison et payer une caution de 2 500 $. En 70, l'album Plastic Ono Band était lancé par John Lennon, un album du même nom. Ah oui, c'était lancé par Yoko Ono le même jour. On peut dire que celui de Yoko Ono est pas mal moins intéressant que celui de John, qui est considéré comme un de ses meilleurs, un de ses plus réussis en solo. En 70, Bob Dylan publiait Tarantula, hein, son premier livre. C'était des poèmes, tout simplement. En 72, décès de Barry Oakley, hein, le bassiste des Allman Brothers, dans un accident de motocyclette, presque au même endroit que Dwayne Allman s'était tué l'année précédente, lui aussi en moto. Barry avait 24 ans. En 73, complètement ridicule, une trentaine de stations de radio diffusaient un concert de Mott the Hoople en studio avec des applaudissements pré-enregistrés pour ajouter à l'ambiance live. C'est vraiment grotesque. En 76, Kiss lançait, oui, plutôt, comme le dit le docteur, Kiss lançait Rock'n'Roll Over, un très bon album dont je vais vous présenter une face un peu plus tard là, dans l'émission, là, à peu près... Vraiment pas long, là. Je dirais dans une dizaine de minutes. Et finalement, en 2011, les 4 membres originaux de Black Sabbath annonçaient leur retour et l'enregistrement d'un nouvel album et d'une tournée mondiale en 2012. Bien sûr, c'était de courte durée puisque Bill Ward, le batteur, s'est retiré. Il était fâché. Il trouvait que il n'était pas respecté. Là. Du moins, le contrat n'était pas à son goût. Alors... c'est dommage, mais l'album 13 qui en a résulté, par contre, était très bon. Et c'est ce qui complète les éphémérides du 11 novembre. Nous allons aller en musique avec, justement, Black Sabbath, mais pas à l'époque de Ozzy, plutôt à l'époque de l'album Heaven and Hell, premier disque qu'ils ont enregistré avec le chanteur virtuose Ronnie James Dio, avec la pièce Neon Knife, puisque le solo de guitare, c'est mon préféré de Black Sabbath. C'est vraiment le point d'orgue de cette pièce, le solo de Tony Iommi. On écoute ça tout de suite. Vous êtes assez fous! Sabbath avec Neon Knights, la pièce qui ouvre leur excellent disque, un de leurs chefs-d'œuvre, Heaven and Hell de 1980, le premier qu'ils ont enregistré avec Dio. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, en fait à la 1000e émission Rock Classique. Et cela jusqu'à 17h, le docteur va se joindre à moi dans à peu près une quarantaine de minutes. Pour l'instant, nous en sommes maintenant venus au segment de l'émission où nous vous proposons à chaque semaine une face complète d'un album vinyle classique. Cette semaine, je vous présente un album vinyle qui est paru il y a exactement 40 ans, aujourd'hui même, 11 novembre 1976, soit Rock'n'Roll Over de Kiss. Et oui, c'est pas le meilleur album de la période classique de Kiss, mais c'est néanmoins un album qui regorge de classiques du quatuor, je dirais, masqué de New York, puis, parmi lesquels on retrouve les titres Calling Dr. Love, I Want You, Take Me, Making Love et Hard Luck Woman, plutôt que de reprendre là où ils avaient laissé avec le précédent disque Destroyer, c'est-à-dire dans une veine sophistiquée où l'avait entraîné le producteur Bob Ezrin, eh bien, Kiss ont décidé de revenir à leurs racines, je dirais rock and roll, avec cette fois-là le producteur Eddie Kramer, qui avait déjà produit leur premier démo et l'album double en concert à live. Ace Frehley, entre autres, a beaucoup insisté pour ce retour aux racines rock du groupe. Eddie Kramer, qui est surtout reconnu pour son travail avec Jimi Hendrix et Led Zeppelin, entraîné Kiss dans un théâtre désaffecté du nord de l'État de New York, le Nanuet Star Theater, où ils ont enregistré le disque sur la scène, comme s'ils étaient live en train de donner un spectacle. Par contre, afin d'obtenir le son adéquat pour la batterie, on a installé Peter Criss dans les toilettes. Certaines mauvaises langues diront que c'est à cause de son jeu de merde. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la face 1 en entier de cet album classique Rock and Roll Over de Kiss. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule, absolument la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Days gone by, and the thing I want out of life is I want you. Oh! Hit me! You together.

classe! Nous venons d'entendre la face 1 au complet d'un de leurs albums vinyle classique Rock'n'Roll Over, qui est paru il y a exactement 40 ans, aujourd'hui même, le 11 novembre 1976. Nous venons d'entendre Baby Driver, qui était chanté par Peter Criss, et ben, comme la plupart des chansons chantées par Peter Criss, ben, c'est une des plus faibles du disque. Par contre, celle-là, Baby Driver, c'est probablement une des meilleures là, sur laquelle on retrouve Peter Criss de toute son histoire avec Kiss. Hein. Ce qui n'était pas le cas de la précédente, là, c'était pas une pièce faible, là, Ladies Room, une composition de Gene Simmons qui a longtemps été interprétée en concert par Kiss. C'était précédé du plus gros succès de l'album Rock'n'Roll Over, soit Calling Dr. Love, une autre composition de Gene Simmons qui compte parmi ses plus belles réussites, même si les paroles sont vraiment consternantes. Estomacante de par leur stupidité. C'était précédé de Take Me, qui est une des favorites des fans die-hard de Kiss, je dirais des fans inconditionnels. Et au début du bloc et de cette face A, nous avons entendu la pièce I Want You, qui ouvre l'album en force et qui est, elle aussi, a longtemps été jouée par Kiss en concert. L'album Rock'n'Roll Over a connu énormément de succès avant même sa sortie. On en avait précommandé 1 million d'exemplaires, ce qui en a fait un disque de platine instantanément. Pourtant, il n'a pas dépassé la 11e place du Billboard, mais ici au Canada, il a atteint la 7e position du palmarès des ventes. La pochette du disque a été réalisée par un artiste du nom de Michael Doré, qui a travaillé à nouveau avec Kiss 32 ans plus tard pour faire la pochette de Sonic Boom en 2009, deux des plus belles pochettes de Kiss. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face complète de non pas seulement un, mais bien deux autres albums vinyle classiques. Je vais vous présenter le disque Darkness Descends de Dark Angel, ainsi que Spirit of 67 de Paul Revere and the Raiders, qui sont sortis il y a respectivement 30 et 50 ans ce mois-ci. C'est donc un rendez-vous vraiment, vraiment très différent les deux, n'est-ce pas? Dans un moment, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs tout de suite après cette pause publicitaire. Pour plus d'informations, visitez cifu.ca 89.1. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins à 11h sur les ondes de cifu. Avec Tania Baudin, une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Qu'il y a autre chose à faire qu'écouter nostalgiquement l'hymne national soviétique en attendant grand soir ou que le PQ redevienne un parti de gauche. Ah ouais? Comme quoi? Comme écouter La sortie de secours est à votre gauche les lundis 11h sur les ondes de Cifu 89.1. Alors que le rap québécois a récemment reçu une attention inégalée, quelques-uns de ses protagonistes les plus en vue se réunissent afin de mettre sur pied une tournée à travers la province. Corias, À la claire ensemble et Brown se feront un plaisir en prenant part à l'Hostie Tour avec un clin d'œil à leurs prédécesseurs. Comme en 68, on retrouvera sur scène la folie d'une gang de chums réunis et dans le public, la jeunesse scandant les textes des poètes d'aujourd'hui, fiers de participer à la modernisation de la chanson québécoise. 20$ pour les étudiants de l'UQTR, 25$ admission générale sur le site lepointdevente.com. Pour voir Corias, Brown et À la claire ensemble, c'est le 24 novembre au 10-12 de l'UQTR. Yeah. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Dix heures quarante, Mais oui, nous avons débuté plus tôt aujourd'hui puisque vous êtes à la 1000e émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On n'a pas le choix de débuter plus tôt puisque l'émission dure 7 heures aujourd'hui. Et ben oui, on a tellement de matériel pour si on veut tout passer, ben il fallait rajouter une heure de plus et on l'a fait comme ça au début. Nous en sommes maintenant venus à la chronique des groupes et des artistes obscurs. Cette semaine, je vous présente une formation allemande du début des années 70 du nom de Night Sun. Je les ai déjà présentés ici précédemment à l'émission, mais comme cette semaine, nous vous présentons comme ça la 1000e émission Rock Classique, j'ai décidé de revenir sur ce groupe qui est celui que je considère comme le plus intéressant et marquant de tous ceux, les centaines que j'ai présentés ici au fil des ans. Originaire de Mannheim, Night Sun donnait dans le hard rock et le proto-metal extrême très en avance sur son temps. Dans l'encyclopédie du hard rock des 70s, on dit d'eux que bien qu'ils étaient directement influencés par Deep Purple et Black Sabbath, ils préfiguraient des groupes extrêmes comme Motorhead avec des lignes rythmiques survoltées, une voix démoniaque ainsi que des guitares et un orgue virevoltant. Une atmosphère lourde et pesante qui va influencer plus tard Metallica. Et ça, c'est pas des farces, là. Lars Ulrich de Metallica, c'était un fan de Night Sun. Le groupe était constitué du chanteur-bassiste Bruno Saab, du guitariste Walter Kiss-Gassner, du claviériste et trompettiste Knut Rosler, qui jouait aussi du basson, et de Ulrich Stolt à la batterie. Ils ont enregistré un seul album en 1972 intitulé Morning, qui est paru sur l'étiquette Zebra, qui était en fait une filiale de Polydor. Album produit par le célèbre Connie Plank, on les a beaucoup comparés à l'époque à Uriah Heep, Atomic Rooster et Lucifer's Friend, mais c'était bien plus extrême que cela. Question de vous donner une idée de ce qu'avait l'air la musique de Night Sun, je vous propose d'aller en écouter trois morceaux. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock obscur à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. We'll be right back. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Nothing new. La formation allemande Night Sun, nous venons d'entendre trois pièces qu'on retrouve sur leur seul et unique album paru en carrière, Morning, paru en 1972. Nous venons d'entendre Come Down, qui est très différent du reste de l'album, je dirais, parce que le reste de l'album est généralement semblable aux deux morceaux qu'on a entendus juste avant, soit Nightmare et au début du bloc, la pièce qui ouvre le disque, Plastic Shotgun, qui faisait pas mal fin du monde au début des années 70. Évidemment, encore une fois, malgré l'excellence de cet album, Night Sun n'ont pas réussi à percer et l'année suivante, en 73, le groupe s'est séparé. Le chanteur-bassiste Bruno Schaab a connu par la suite un certain succès en Allemagne au sein du groupe Guru Guru, mais le reste de Night Sun, le reste des musiciens a sombré dans les limbes du rock. Toutefois, ce disque, Morning, est devenu très recherché par les connaisseurs et amateurs de rock obscur et ça se vend vraiment une fortune. Un bon exemplaire se vend plusieurs centaines de dollars sur le marché. D'ailleurs, Lars Ulrich de Metallica en possède une copie originale Mint là, qui vaut très, très, très, très cher. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vendredi prochain, je vais vous présenter un autre groupe obscur tout à fait approprié comme ça au mois de novembre puisqu'il s'appelle November. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classique, hein? J'ai la millième de Rock Classique et aujourd'hui, ben, je vous ai préparé une émission très, très spéciale puisque elle est complètement, elle s'adresse aux amateurs de guitare, hein, puisque je vous présente aujourd'hui, avec le Dr. Pendragon qui devrait arriver d'un instant à l'autre, les meilleurs solos de toute l'histoire du rock. Le Dr. Pendragon, d'ailleurs, qui fait son apparition, il vient de passer à travers un mur. Donc, on va y aller avec un premier bloc de solo de guitare vraiment mémorable. Dans un moment, on va entendre Spirit, on va aussi entendre les Rolling Stones, mais tout de suite, on écoute une pièce des Who qui a vraiment un solo remarquable parce que c'est un solo d'une seule note et c'est vraiment mémorable. La pièce I Can See For Miles. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! I know you deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put me in my way, well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. Deceive me, now here's a surprise. know that you have, 'cause there's magic in my eye. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal might be on clear day. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna need that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles. Hit me! Radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan présente plusieurs événements culturels en Mauricie. Tu es passionné? Tu aimes quand ça bouge? Pour savoir tout ce qui se passe et où ça se passe, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Tu écoutes Cifou? Tu lis le Zone Campus? Tu désires t'impliquer dans ta communauté?

Rolling Stones, bien sûr, avec un de leurs immenses classiques, Sympathy for the Devil, avec un solo absolument mémorable de Keith Richards. Hein? C'est tiré de l'album Beggar's Banquet sur... il était à peu près tout seul là, pour faire toutes les guitares sur cet album de 1968. Et juste avant ça, nous avons entendu Spirit avec un autre petit solo short and sweet, là, mais vraiment mémorable sur I Got a Line on You, immense succès de 1968, tiré de l'album The Family That Plays Together. Et au début du bloc, nous avons entendu The Who avec I Can See For Miles. Autre immense classique, celui-là de 1967, tiré de l'album The Who Sell Out. Et la particularité du solo de I Can See For Miles, c'est qu'il y a juste une note. Eh oui. Des fois, elle n'a pas besoin là, de faire 12 000 notes. On va le voir tout au long de la journée. Elle n'a pas besoin d'avoir... de faire la gamme au complet. Absolument. Là, sur non, c'est une question de feeling. Oui, oui, exactement. Eh bien oui, le Dr. Pendragon est arrivé, c'est lui, là! Eh oui, hein? C'est moi! Oui! Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui, toi-même! Ah, ben oui, ça va. Ben, ça me dérange pas du tout. Ah, ben je le savais, c'est pour ça que je voulais pas te le dire. Ben voilà. Ben, permets-moi de te féliciter pour ces 1000 émissions. Merci. Pour avoir persisté 1000 fois à nous casser les couilles. Oui. Puis que tu vas faire encore 1000 fois. Ben, 1000 fois. On en a parlé la semaine dernière. Ça prend 20 ans, là. Oui. Je suis pas sûr, là. Vraiment pas sûr. C'est vrai que dans 20 ans, tu vas être rendu à 108. Fait que peut-être être moins en forme. Mais non, je vais avoir juste 47 ans. Tu vois? Ben oui. Ben, ça prouve que tu sais pas compter. Non, mais c'est chapeau. Ben, merci, c'est gentil. C'est tellement pas attendu là, de la part d'un être aussi fourbe que toi. Oui, mais j'ai quelques écarts de conduite. Oui, bien sûrement. Tu me surprends. Je suis estomaqué. Fais attention à tes brûlements. Oui. Et là, le docteur va nous présenter sa fameuse capsule hein, sur la faune et les amateurs de rock, n'est-ce pas? Ben oui. Une 42e, Alain. 42. Oui, je vise ma range jusqu'à 50. Oui. Après ça, je vais peut-être réviser le processus. Oui. Sait-on jamais. Mm-hmm. Bon. Ben, 42 sur 1000, ça n'en fait pas beaucoup. Hein? Non, c'est pas énormément, non, effectivement. Non, c'est nouveau. Ben, ça dépend pour l'auditeur. Peut-être qu'une était déjà trop. Oui, ça dépend toujours de l'auditeur. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Dans le cadre de cette 42e chronique de la faune chez les amateurs de rock et de cette émission très spéciale qui souligne la 1000e émission de rock classique, j'aurais aimé faire une chronique thématique. Et c'est effectivement ce que j'ai tenté de faire. Malheureusement, la seule bestiole qui aurait pu se prêter à cet exercice était le mille-pattes. Et honnêtement, il n'y avait pas grand-chose de stimulant à faire avec cet arthropode. Mais comme l'évidence est souvent dans notre figure sans que nous la voyons, j'ai donc opté pour consacrer la chronique à une créature des plus particulières, étrange, bizarroïde et tellement rarissime qu'il n'en existe qu'un seul et unique exemplaire, et tant mieux pour tous, soit le Rockmaster lui-même. Ben voyons donc. Ben oui. Le Rockmaster est effectivement et de loin l'une des créatures des plus particulières qui ait foulé le sol de notre planète. Tenter de cerner avec précision cet humanoïde est comparable à élucider les mystères des grandes pyramides d'Égypte, quoique eux-mêmes mystérieuses demeurent majestueuses. Bah. Nous pourrions comparer le Rockmaster à ce qu'il aime énormément, soit le rock, tellement son tempérament est similaire. De nature calme, tellement qu'il faut vérifier par moments s'il respire encore, et casanière, le Rockmaster consacre beaucoup de temps à ses divers intérêts et passions qui sont généralement d'ordre artistique. Mélomane et oiseau de nuit, il apprécie particulièrement les écoutes nocturnes de ses genres musicaux préférés, qui sont bien évidemment la New Wave et le disco. Oh, docteur, qu'est-ce que tu racontes là? Ben non, c'est faux, puisqu'il s'agit évidemment du rock et du métal. Mais étrangement, à l'occasion, il ne dédaigne pas l'écoute de musique hawaïenne. Ce qui est d'un ridicule ahurissant, compte tenu qu'il se permet de se foutre de ma tronche lorsque je lui dis que j'écoute Symphorien. Érudit et captivé par l'histoire musicale, et plus particulièrement par les genres mentionnés, cette culture musicale fait de lui une véritable encyclopédie. Mais attention, une encyclopédie tout aussi sérieuse, crédible et comparable à celle du NDRP. C'est pas mal n'importe quoi, finalement. Sa physionomie, ouf, là, c'est corsé. Le Rockmaster a des statures plus imposantes que la moyenne. Je n'ai pas encore déterminé de quel sens je devais le regarder, et la bienséance, pour ce qu'il m'en reste, m'empêche de vous divulguer ses mensurations. Oh, puis de la marde, les voici. En partant de la tête jusqu'aux pieds et mesuré en pouces. 50, 80, 130, 180. Le Rockmaster est donc un cône. À sa vue, les premières impressions sont qu'il a probablement envie de nous faire une grosse tête. Son allure très rock lui confère une certaine image de dureté. Mais dans les faits, il n'est pas méchant, simplement endormant. Il porte la barbe depuis sa naissance et a les cheveux longs depuis 15 minutes. Avant, il n'en avait pas. Il a de très longs bras qui traînent par terre, tel un singe. Mais dans son cas, et contrairement à Horace, ce n'est pas un super beau Rockmaster. Dans sa vie, le Rockmaster aime les défis et relève toujours les rôles de grande pointure. D'ailleurs, ses pieds de 21 pouces le prouvent. Son nez de style trompette sert aussi de glissoir aux écureuils. Ses yeux, ben oui, il en a deux, mais qui sont chaque côté de sa tête. Et d'ailleurs, à ce sujet, les études animalières ont prouvé que les créatures qui ont les yeux de côté sont moins intelligents. Et j'endosse. Il porte toujours des t-shirts de ses groupes préférés, qui sont parfois discutables, tels qu'Epicaca. Quoi qu'il lui arrive d'avoir des moments de lucidité et d'arborer un logo de Slayer ou de Motorhead. Mais je suis encore dans l'interrogation à savoir pourquoi il s'entête à porter ce putain de béret sur lequel on peut voir un I, un cœur et les lettres DT. Mais c'est épouvantable, ça. Un béret. Mais t'en portes tout le temps, hein. Mais voyons. Mais tu l'as encore, il s'en ramène plus compte. C'est incroyable. Son alimentation. L'alimentation du Rockmaster varie en fonction de son humeur, c'est-à-dire constamment. Mm-hmm. Un jour, il adore la poutine, et le lendemain, il affirme tout à tout à qui veut l'entendre, c'est-à-dire pas grand monde, qu'il ne mangera plus jamais, jamais, du moins jusqu'à la prochaine fois. Il adore les produits de la mer, tels que les calmars, les boîtes de thon et le homard. Mais il n'aime vraiment pas le sucre, mis à part celui qui est dans sa belle dinde sauvage. Oui. N'ayant aucune aptitude pour la chasse, et je passe les autres pour l'instant, le Rockmaster se voit donc obligé de s'approvisionner vers les détaillants alimentaires. Mais il a ses endroits de prédilection, qui sont bien entendu les supermarchés tels Dominion, puisqu'il adore Juliette Huot, Steinberg et son dépanneur favori chez Rondeau. Mais compte tenu que ces établissements de prestige sont tous disparus depuis plusieurs décennies, le Rockmaster ne mange pas si souvent que ça. Mais qu'à cela ne tienne, puisque pour se réconforter, il lui restera toujours sa précieuse et belle dinde sauvage du Kentucky. Sa reproduction. De nature loyale et fidèle, le Rockmaster n'aura qu'une seule et véritable compagne pour la vie. Pauvre elle. Étant de nature naïve, il aura toujours cru que les petits Rockmaster ou petites Rockmistress se commandaient sur eBay ou Amazon. Résultat, il aura fallu un peu plus de temps pour qu'il devienne un Rock Papa Master. Pour le reste des rites et parades nuptiales, je veux pas le savoir. Sa longévité. Ah, voilà un point fort particulier de ce fameux Rockmaster. Tourmenté par son imagination fertile, souvent comparable à celle d'Homer Simpson, il croit toujours que sa vie est en péril, qu'il a attrapé le choléra, la gangrène, la peste, la lèpre, le virus du Nil, que les neutrinos lui ont tellement souvent traversé le corps qu'il est une passoire, qu'il va subitement devenir aveugle parce qu'il vient d'ouvrir la lumière et qu'il croyait que ça se ferait pas aussi rapidement, que la grippe qu'il a attrapée à l'âge de 5 ans est toujours la même qui persiste et qu'elle est devenue une sclérose, qu'il a des brûlements d'estomac tellement intenses que s'il vomit, sera de la lave, que son cœur cesse de battre au moins 2 heures par jour et qu'il croit dur comme fer que les extraterrestres lui ont implanté une puce qui lui donne la diarrhée. J'en passe et des meilleurs. Vous comprendrez que si toutes ces maladies, infections et états graves avaient été véridiques, qu'il aurait eu raison de lui depuis la première heure. Étant d'une grande imagination, le Rockmaster m'expose souvent ses appréhensions au niveau de sa santé, qui sont toutes de maudits bons scénarios de films d'horreur. Mais dans les faits, ce sont souvent les plus fatigants qui sont aussi indestructibles. Et je vous confirme que c'est le cas. Son comportement. Le comportement du Rockmaster est assez étrange. De nature solitaire, il préfère passer son temps à lire des petits bonhommes et des biographies d'artistes douteux, tels que Peter Criss, plutôt que de côtoyer ses semblables. Il préfère aussi écouter ses disques, je dis bien ses disques à la mode, comme Marie-Mé et Marc Dupré, plutôt que de s'ouvrir aux belles choses de notre beau patrimoine québécois qui nous a laissé de si précieux joyaux. Tu veux que je les nomme? Il faut. C'est pas nécessaire. De même qu'il adore écouter ses séries télévisées favorites telles que Supernatural, The Walking Dead, L'Heure du Temps et chez Roncle Bill, plutôt que de profiter et participer à nos super quiz télévisés tels que La Poule aux œufs d'or et Le Travail à la chaîne. Il n'aime pas la compagnie de la foule, mais adore voir des spectacles. Quel paradoxe. Et par-dessus tout, il ne s'entourera que de peu de ses congénères qu'il aura initialement triés avec des critères très sévères, qu'il tente d'appliquer avec heureusement pas toujours de succès, tels que ceux-ci. Personne ne doit être plus beau que lui. Ça, ça laisse plus grand choix. Personne ne doit être plus intelligent que lui. Ça, par contre, on a l'embarras du choix. Aimer le rap, Abba et la compagnie créole. Aimer la poune, Manda Parent, le capitaine Bonhomme, Letana et Patoff. Et de ne pas lui rappeler qu'hier, il disait qu'il ne mangerait plus de poutine. Comme je l'ai dit, heureusement que l'application de ses critères n'est pas toujours parfaite, parce qu'il discuterait souvent avec sa dinde. Roulement de tambour, mon ami, je vous prie! Ben, t'as pas perdu la main, hein? Non, et en plus, je réussis à même à calibrer le son en oui. faisant ça sur la console. Il fait le roulement de double baguette avec une seule main. Oui. Voici maintenant le segment qui ne peut pas être attendu, puisqu'il ne traitera pas de la rencontre de l'homme et du Rockmaster, et ceci simplement parce que, même aussi vieux qu'il puisse l'être, il n'y a pas énormément d'histoires intéressantes qui s'y rattachent. Au niveau de la faune, bien sûr. Par contre, je vous propose un segment, pour une fois un peu plus véridique, soit la rencontre du Rockmaster et du Dr. Pendragon. Et croyez-moi, dans ce cas-ci, il y a énormément de choses qui souvent pourraient sembler être de la science-fiction, mais qui sont réelles et qui permettent de meubler tout à fait bien et au-delà, le temps permis, cette chronique. Nous devons une fois de plus embarquer dans cette machine à remonter le temps qui porte le nom de Agathys Rep... ou l'astro-gyroscope temporel intergalactique supersonique rotatif accélérateur à impulsion bleu pâle qui nous permettra de faire un retour en arrière en 1980. La première rencontre que votre humble mais tordu serviteur, ça c'est moi ça, eut avec le Rockmaster en fut une des plus particulières. En effet, étant présent, et je tairai les endroits, étant présent tous les deux au même endroit qui était un lieu public, je vis cette créature mi-homme, mi-quelque chose se diriger vers moi pour subitement s'arrêter devant moi, pour je ne sais quelle raison. Il me dévisagea, il me dévisagea comme s'il avait l'intention de me faire cuire à la broche, grogna quelques onomatopées, qui me fait penser que j'avais affaire à un Cro-Magnon, vomit presque sur moi et quitta aussi rapidement à la pièce. J'étais fort surpris de cette attitude, pour le moins inattendue. Mais je n'ai pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. De toute manière, je ne parlais pas ce dialecte rudimentaire. Vous vous êtes dit certainement ceci, à l'écoute de ce paragraphe, « Docteur, tu dois être un véritable crétin d'avoir remis ça avec lui par la suite. » Eh bien, dans les faits, oui, je suis un crétin. La preuve, je suis toujours là. Quelques temps après, étant bien assis peinard, toujours au même endroit, la créature s'assit à côté de moi. Je me suis dit, c'est soit qu'il a encore faim ou bien qu'il tente d'établir la communication. Et je tentais d'avoir une première véritable conversation. Surprise, la chose me répondit avec de véritables mots et dans un ordre relativement compréhensible. Rapidement, j'ai compris que nous avions des intérêts musicaux communs. Par exemple, que j'aimais AC/DC et lui les pochettes du groupe. Pendant que l'un écoutait, l'autre regardait. De fil en aiguille que je manie très bien, tu le sais. Mm-hmm. Celui qui s'avéra être le Rockmaster et moi avons commencé à faire certaines activités ensemble. Mais seulement le jour, parce qu'il avait peur de sortir après Bobino. Qu'il écoute toujours d'ailleurs. Et moi qui croyais que Bobino était une émission éducative. Il ne fallut pas énormément de temps avant qu'il ne s'établisse une relation de véritable larron en foire. Il faut dire que j'ai certains talents à corrompre les autres. Et le fil conducteur demeurait toujours le même, la passion de la musique, soit du rock et du métal, dont nous pouvons nous vanter aujourd'hui d'avoir connu les tout premiers débuts et l'évolution de ce dit métal, n'est-ce pas? Oui, oui. Des balbutiements. Tout à fait. Mais j'étais toujours estomaqué de constater à quel point le Rockmaster pouvait avoir des écarts de conduite fantastiques. Je me rappelle qu'à quelques reprises lors de nos écoutes musicales collectives, qu'il réussissait toujours à glisser une pièce de Diana Ross ou de George Purple tout en dansant frénétiquement. George Purple! J'ai eu souvent la nausée à cause de ce disgracieux spectacle, je dois dire. Et je ne parle même pas de son entêtement à vouloir me lire, à l'époque, les articles de Francine Grimaldi et les recettes du gourmet farfelu. Mais il faut pardonner aux simples d'esprit car ils sont heureux. Toujours est-il qu'éventuellement, la musique devint un lien encore plus sérieux entre le Rockmaster et moi. Nous écoutions toujours de la musique ensemble, mais en jouions aussi. Et malgré le fait que la mémoire joue des tours, je me rappelle encore parfaitement que si Joe Perry et Steven Tyler étaient surnommés les Toxic Twins, que le Rockmaster et moi aurions pu porter le surnom de Deaf Twins, tellement nous jouions fort. Oui, quoi? Assez. Quoi? Oui, assez. Anecdote à ce sujet. En 1986, nous avons eu l'honneur de recevoir la visite de Monty Carner de Roadrunner Records, qui venait nous voir jouer en mission de recrutement pour l'étiquette de disque. Suite à nous avoir écoutés pendant quelques 20 minutes, Monty avait eu ce commentaire. What the hell are they? These Quebecers are definitely crazy and certainly deaf. Mais il avait aimé. Mm-hmm. Un des aspects que j'ai trouvé et encore remarquable du Rockmaster est que le fait qu'il soit capable de nommer quasi instantanément la date exacte de l'enregistrement d'un album ainsi que le nom du producteur attitré et qu'il soit aussi incapable de se rappeler d'une chose qu'il a dit il y a 3 minutes. Le Rockmaster et moi avons eu de nombreux différends de toutes sortes au cours des années et même ponctués de longs silences. Il y a encore certains très légers aujourd'hui, mais je considère ces divergences d'opinion comme étant insignifiantes. Un peu comme toi, je suppose. Un jour, le Rockmaster m'a dit que ça n'avait pas d'allure, que je n'aime pas Kiss. Parce qu'effectivement, à l'époque, je n'aimais pas vraiment Kiss. Je lui avais répondu que c'était une question de goût et que les choses qui n'avaient pas d'allure, eh bien qu'il y en avait beaucoup. Et qu'il en était la preuve. Mais il a eu raison sur ce point. J'ai réécouté Kiss et finalement, je suis devenu un grand amateur. Il m'a aussi dit la même chose à plusieurs reprises en ce qui concerne Ipecaca. No way, sir, you lose the time. Je ne suis pas si sûr que ça, tout de même. Le Rockmaster fut dès le départ l'une des rares personnes avec laquelle, lors de nos échanges, que souvent les mots étaient très inutiles. Pourquoi? Parce qu'il comprend pas! Autre fait intéressant que j'ai découvert, c'est que je peux lui répondre à peu près n'importe quoi qui n'a aucun rapport avec sa question et il saura décoder ma réponse. C'est assez exceptionnel, mais aussi très inquiétant. Je crois qu'il peut lire dans les pensées des gens. Faisons un test. Rockmaster, à quoi est-ce que tu penses, à quoi est-ce que je pense actuellement? À moi. Non, je pense à foutre le camp au plus sacré. Il y a 20 ans, le Rockmaster donnait vie à l'émission Rock Classique, émission qui rapidement eut l'attention des gens. Soit des centaines de dizaines d'auditeurs, comme probablement tous sourds aussi. Moi-même, je me demande bien pourquoi, était auditeur de Rock Classique. C'est seulement il y a 4 ou 5 ans que j'ai débuté sporadiquement à faire des apparitions à l'émission pour des thématiques spéciales telles que l'Halloween. Depuis il y a presque 3 ans, j'ai offert mes services de co-animateur Rockmaster puisque j'aimais ce genre de concept. Il s'est empressé d'accepter, et pour cause, c'est pas tous les jours que le doc offre ses services, bien sûr. Mais qui plus est, le fait d'avoir accepté ma présence, c'était pour lui salutaire, parce qu'avant, c'était plate en maudit. Blague à part, ma rencontre avec le Rockmaster s'est certes produite de façon étrange, et voire même déstabilisante. Mais ne le suis-je pas aussi? Il m'aura appris pas mal de choses intéressantes sur le rock et sur la musique, mais aussi pas mal de choses insignifiantes et souvent dérangeantes sur plein d'autres sujets que je peux plus me sortir de la tête. Et là, je comprends une chose. Avant de te connaître, j'étais un docteur bizarre, oui, mais pas un malade mental. Ces 36 dernières années, suivant ma rencontre avec le Rockmaster, ont consolidé ce que j'ai toujours pensé. Les passions sont indéniablement ce qui nous garde jeunes et elles doivent être entretenues et préservées précieusement. Et qui plus est, si ces passions peuvent se partager avec quelqu'un, il n'y aura plus de limite au plaisir à en retirer. Et à Rock Classique, nous sommes des parias passionnés. Sans le savoir initialement, celui qui est devenu mon ami et moi venons de créer une complicité solide comme le rock. Yeah. Je vous rappelle que cette chronique est une présentation de vos grands magasins Wilco. Soyez hors la loi des prix. Magasiné chez Wilco. Merci Yves, et c'est particulièrement apprécié pour cette 1000e. Toutes les informations relatées dans cette chronique scientifique et sociale ne sont pas tirées cette fois-ci du NDRP. Elles sont simplement tirées d'une rencontre. Visitez le site officiel de Rock Classique au www.rockclassique.net. Enjoy rock and have fun too! Wow, docteur, quelle mémoire! Hein? Quelle mémoire! Parce que je me rappelle de rien de ce que t'as raconté. Ben, c'est quand même une synthèse qui est représentative, je trouve. Ben, je sais pas, je me reconnais ça pas souvent, là. Ben non, mais je te le dis, tu te rappelles pas de ce que t'as dit il y a 3 minutes. Mais c'est, ça reflète beaucoup la réalité. Ben, c'est ta vision, toi. Ben, évidemment, c'est pas la tienne, j'aurais rien dit. Ben, merci, docteur, ça fait chaud au cœur. Ben, écoute, c'était normal de le faire. Ouais, ben merci encore. Ben, de rien. Vous êtes à l'émission classique en compagnie de ce saugrenu et étrange Dr. Pendragon. Hein, et cette fois-ci, quasi-historien. Ouais, oui, tout à fait, mais c'est de valeur. Je me rappelle de rien de ce que tu as raconté. Bon, faut dire que j'en invente pas, beaucoup. Non, pas dans le cas. Et moi-même, Alain Lefebvre, cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps pour la millième fois. Oui! Et là, c'est maintenant le temps de passer au segment de l'émission dans lequel le docteur, il se laisse aller complètement. Ah oui, complètement, absolument. Là, pour sa nostalgie télévisuelle, cette très grande nostalgique docteur. Donc, à chaque semaine, nous faisons une incursion dans la dimension parallèle où il vit le doc et qui se trouve en quelque part à la fin des années 60. Oui, absolument. Hein? Et le docteur nous ouvre son téléviseur, nous présente ce qu'il a l'habitude de regarder, c'est-à-dire de beaux programmes d'antan. Absolument. Mmh. Docteur, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Je vous parle, cette fois-ci, non pas d'une série de science-fiction. Je vais faire différent. Ouais. Une série policière. Ouais. Oui. Qui se nomme Dragnet. Ouais. Oui. Oui. Ça passait, ça, à Télémétropole quand j'étais petit. Oui. Mais comment ça s'appelait? Coup de filet. Coup de filet? Oui. Ah, ouais. Oui. Ah, c'est bon. Télésino, veux-tu ouvrir le téléviseur pour que nos éditeurs aient le plaisir et le bonheur d'entendre ces merveilleux beaux programmes d'antan? Allons-y. The story you are about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. City and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's tree. On a warm San Franciscan night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Franciscan night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Il paraît qu'il y a autre chose à faire qu'écouter nostalgiquement l'hymne national soviétique en attendant grand soir, ou que le PQ redevienne un parti de gauche. Ah ouais? Comme quoi? Comme écouter La sortie de secours est à votre gauche, les lundis 11h, sur les ondes de Sifu 89.1. Ce qui se passe sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Alors que le rap québécois a récemment reçu une attention inégalée, quelques-uns de ses protagonistes les plus en vue se réunissent afin de mettre sur pied une tournée à travers la province. Corias, Brown et À la claire ensemble se feront un plaisir en prenant part à l'hostie tour avec un clin d'œil à leurs prédécesseurs. Comme en 68, on retrouvera sur scène la folie d'une gang de chums réunis et dans le public, la jeunesse scandant les textes des poètes d'aujourd'hui, fiers de participer à la modernisation de la chanson québécoise. 20$ pour les étudiants de l'UQTR, 25$ en admission générale sur le site lepointdevente.com. Pour voir Corias, Brown et À la claire ensemble, c'est le 24 novembre au 10-12 de l'UQTR. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Juste avant la pause pub, nous avons entendu Eric Burdon and the Animals avec son classique, un de ses classiques, San Francisco Nights. C'est tiré de l'album Winds of Change de 1967 et ça faisait un lien avec le beau programme d'Anton du docteur qui est Dragnet. Dragnet, ouais. Coup de filet, effectivement, série américaine policière. Qui s'est tenu sur les ondes de, je ne suis plus trop... Ben, deux fois, en fait. La chaîne. Ah, la chaîne. Oui. Oh, ben... Quelque chose, là. Hein. NBC, ABC, CBS. Bon, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Il y en avait trois. C'est une de ces trois-là. Ouais. Série policière qui raconte les histoires de Joe Friday, qui est un inspecteur détective, ouais, et de ses acolytes, qui sont les inspecteurs sous ses ordres, et qui élucident des crimes de tout acabit à Los Angeles. Mm-hmm. Pas grand-chose à dire côté résumé plus que ça, parce que c'était ça. C'est une série qui a été créée par Jack Webb, qui mettait en vedette Jack Webb, le fameux Joe Friday. Oui. Effectivement, et Ben Alexander ainsi que Harry Morgan. Ce qui est intéressant avec la série Dragnet, c'est que ça a débuté à la radio. En 1949. Ah oui. De 49 à 57, c'était à la radio pour 314 épisodes. Mm-hmm. Et par la suite de 1900, en fait, on a chevauché parce que de 51, soit deux ans après la première diffusion radiophonique, de 51 à 70, on les a télévisés. Ouais. Pour en noir et blanc. En noir et blanc. Reprendre une version différente, une adaptation bien sûr, plus moderne, en 89 et 91, et refaire une autre série qui a duré 22 épisodes, soit en 2003 et 2004, ce qui donne un total au complet, incluant les diffusions radiophoniques, de 762 épisodes. Oui. Ben là, tu comptes ça le reboot de 1967, là? Oui, absolument. Je les compte tous, les versions. Parce que là, ce qu'on a entendu, c'est vraiment l'intro de 1967 et non pas celle de 1951. Ouais, effectivement. Je dirais que les 98 épisodes qui ont été les plus, peut-être, marquantes pour ta génération, pas la mienne, parce que TV n'existait pas dans ce temps-là, c'est 67 à 70 pour 98 épisodes. Écoute, c'est ce que j'ai vu, là. Moi, honnêtement, il y avait beaucoup de... C'était très populaire à l'époque, les séries policières. C'était populaire jusque dans les années 70 avec les Kojak, les Hawaii 5-0 et ainsi de suite. Et je trouve que celle-là, qui se voulait très sérieuse, il y avait à peu près pas d'humour, même pas de clin d'œil. Pas du tout. Ben, je trouve que c'était intéressant. Ouais, je trouve que c'était bien fait. Puis le fameux Jack Webb ou Joe Friday avait une gueule très particulière qui lui donnait... Qui lui donnait le rôle du flic qui pouvait avoir l'air au départ très rude, mais qui dans les faits était très compréhensif. Oui. Donc, Dragnet, moi, c'est une série que, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre, je les invite à découvrir ça. C'est facilement trouvable sur YouTube et compagnie pour faire une idée de ce qui se faisait à l'époque. Oui. Ben, et je dois dire que c'était très bon. Oui, c'était bien. Ah oui, c'était bon. J'aimais ça quand j'étais petit. Oui. Hein? Donc, les plus vieux de la génération X connaissent ça. Ah, supposément que oui. Oui. Nous en sommes maintenant venus au segment de l'émission que nous avons tout simplement appelé « Ça passe » ou « Ça casse ». Segment, et non pas segment. Ben, des fois, ça pourrait être un segment d'oreille, oui. Ben, ça pourrait être ça aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un segment au cours duquel nous écoutons une pièce d'un artiste, d'un groupe qui a déjà fait un certain tabac. On l'examine avec le recul. Nous déterminons si ça a passé le test du temps. Hein, c'est simple. Ben, c'est oui. Souvent, ça se joue au niveau des arrangements, mais pas tout le temps. Hein? Des fois, c'est la pièce tout court qui est aberrante. Ouais. Cette semaine, le doc nous présente... Mais le docteur, est-tu sérieux, là? C'est odieux. Tu m'as mis au défi. Ben, là, c'est épouvantable. Ben, la semaine dernière, tu avais quand même amené quelque chose, tu n'étais pas piqué des verres. Ou plutôt, très piqué des verres. Oui. Et en passant, là, Fantasy, il y a un auditeur de Montréal qui nous écoute via le web, là, M. Daniel Frappier. Il nous a confirmé la semaine dernière que Chaum FM continue à faire tourner Aldo Nova sur ses ondes. C'est très drôle. Nous, on n'avait pas entendu cette horreur-là, Fantasy, depuis des décennies. Depuis assez longtemps. Oui, à Montréal, ça joue à Chaum. Incroyable. Mais M. Frappier nous a précisé qu'il diffuse plus souvent l'autre tube d'Aldo Nova, soit Fooling Yourself avec Fantasy. Merci, Daniel, pour cette précision. C'est vraiment... On se posait justement la question. Ben oui, tout à fait. Oui, j'avoue que je suis assez odieux aujourd'hui. Oui, vraiment. Ben, quoi, aujourd'hui, toujours, dans le fond. Moi, il me semble que là, c'est cruel. Là. Tu m'as lancé un défi, on se met en compétition, pas de problème, j'embarque. Aujourd'hui, je vous propose de quoi qui, je vais vous le dire d'emblée, qui est absolument horrible. Oui, ah, vraiment. C'est vraiment horrible, une pièce de Styx. En partant, ça part pas bien nommer ce nom-là. mais probablement une... Ouais, je dirais une des pires. Oui, vraiment, là, parce que... Ben, que ça aussi, j'ai pas entendu ça depuis des années. Dans mon souvenir, la seule qui est pire que ça, c'est... Paradise Theater? Mr. Roboto. Ouais. Vas-y, c'est quoi? Ben, écoute, aujourd'hui, c'est un millième, on se permet ce qu'on veut, fait qu'on peut bâcher sur un... On va avoir du fun, c'est Come Sail Away. Oh, c'est épouvantable. On écoute ça, là. Oh. Ah, arrête ça tout de suite. On connaît le verdict. Ah, vous êtes assez fou. Ben, c'est sûr. Ben là, moi aussi, pas mal. Ça n'a pas d'allure. Quelqu'un peut pas penser ça sérieusement. I've got to be free, free to face a life that's ahead of me. On board, I'm the captain, so climb aboard. We'll search for tomorrow on every shore, and I'll try, oh Lord, I'll try to carry on. reflections in the waves spark my memory. Some happy, some sad. I think of childhood friends and the dreams we had. We lived happily forever, so the story goes. But somehow we missed out on the pot of gold. But we'll try best that we can to carry on. Désolé. J'avais pas estimé jusqu'où ça pouvait aller. Les dommages les dommages psychologiques que cette pièce pouvait causer. Écoute, on en a eu des réactions. On en a eu des réactions. Pas bonnes. Non, pas bonnes. Je vais vous les lire textuellement, honnêtement, là, qui sont entre autres. Et une autre qui « Holy crap, Denis de Yark ». Ben, ça a suscité la réaction de quelqu'un, c'est mission accomplie. Ben là, faut que tu la présentes, parce qu'il y a des gens qui savent pas qu'est-ce qui... C'est impossible. Qu'est-ce qui vient de les frapper? Ben, c'est l'autobus de Styx. Et une pièce tirée de leur 7e album, The Grand Illusion, de 1977, qui, entre vous et moi, là, écoutez pas ça, là. C'est la pièce Come Sail Away. Ouais. C'est-tu épouvantable comme pièce, hein? C'est vraiment atroce. On peut plus rire, là. Après avoir diffusé ça, là, on peut pas rire des stations qui font jouer Michel Louvain ou. Non. C'est atroce. C'est atroce. Les paroles sont ahurissantes de stupidité, là, de bébé lala. Viens naviguer avec moi, là. Hey, les paroles sont. C'est vraiment aberrant, là. Moi, là. Les gros morceaux de cerveau qui tombaient, là, d'écouteurs. Heureusement, moi, j'en ai pas, là. Mais toi, j'ai vu que tu te mouchais, puis c'était pas autre chose qui sortait. C'était gris, là. Oui, c'était, oui, c'est affreux, ça. Là. Toi, que t'en restais pas énormément. T'aurais dû te garder. Puis la musique, les synthés. Ah, tout est. Quétaine. C'est affreux. C'est mauvais. C'est vraiment ce que les années 70 ont produit de pire. Là. Oui, absolument. Écoute. Et ils se prenaient au sérieux, là. Ils étaient tout pédants. Oui, oui, tu peux. Écoute, faut que je sois honnête, là. Je me rappelais de la pièce, là. Ouais, okay, parce ouais. qu'on s'entend qu'à une certaine époque, on l'entendait à toutes les radios pseudo-rock, là, ouais, ou à peu ouais, près. Ouais, ouais. Quand j'étais aussi au secondaire, Oh, t'étais allé à l'école? Oui, longtemps après ça. Ah oui. Bah, pourquoi? Parce que tu redoublais tout le temps. J'ai même un bac universitaire, docteur. Ah, c'est pour ça que ça a pris 40 ans de sortir de l'école, d'accord. ça jouait, là, dans les radios étudiantes. Ben oui. Là. Je me rappelais de la pièce. Des années 70 et 80. Oh, mais c'était, je dois dire, pour cette fois-ci, là, je vais être honnête. T'as été odieux. Oui, mais de façon assez volontaire. Oui. Donc, écoute, je te demande même pas le verdict, là, parce qu'on le sait de façon commune que c'est no way. Non, hein? C'est atroce. Mais ça m'a fait plaisir quand même de produire ce moment de terreur. Ben, j'aimerais ça ne plus jamais l'entendre. Ben, je te promets une chose, c'est que moi, je la programmerai plus jamais. Oui. Et puis, si jamais on va à Montréal pas fin, et puis que quelqu'un méchant, est-ce que ça joue à chance, cette cochonnerie-là? Ouais. Ça me surprend. Appel aux auditeurs. On sait qu'on a des auditeurs qui ont des fois des sont pris pour écouter ouais. ça. Ben, répondez-nous. Donne-nous l'adresse courriel de Rock Classic. Oui, c'est rockclassic@hotmail.com. Faites part de vos commentaires, de ce que vous avez peut-être pensé de la diffusion de cette pièce Come Sail Away, mais nous dire aussi si vous entendez ça à d'autres radios. Ouais, façon régulière, on saura quoi faire. Oui, c'est atroce. Vraiment. Absolument. Vous êtes à l'émission Rock Classique? Ben oui. Ben, pour une millième fois. On espère, parce qu'après avoir entendu ça... Mais peut-être que vous êtes perdu. Ou que les amateurs de chaume se sont rués en masse sur nous. Ben, ça va changer, là, je vous le dis, là. Là, ça va changer. Là, ça ressemblera plus du tout à chaud, là. Non, à partir de là, là. Écoute, on parlait de tout à l'heure de notre ami Tower, hors d'onde, qui nous a envoyé un petit message. Hein? Effectivement, Tower m'a fait parvenir un message. Il faut expliquer d'abord que c'est non seulement un auditeur, mais c'est aussi un collègue, parce qu'il a son émission de radio. Oui. Lui aussi, et c'est un ami. Absolument. Hein? Tower m'a fait parvenir ce message parce qu'il tenait à ce que je te le lise en ondes. Mm-hmm. Que cela, Alain va l'entendre pour la première fois là, au même titre de... qu'est-ce qui va suivre. Ouais. Salutations, et je lis à sa place bien sûr parce que je le vois pas, il pourrait pas le faire. Mm-hmm. Tower, t'es où? Ah, il est là-bas! Non, il est pas là. Okay. Non, c'est... Tu savais, j'aurais pas dû manger du pepperoni ce matin. Bon. C'est Tapageur qui s'habille une perruque. Tapageur, c'est toi? Ah, ça, t'as pas... D'accord. Salutations au Rockmaster. J'ai pensé qu'il serait important de souligner cet événement particulier, soit la millième de Rock Classic. En ce 11 du 11, à presque 11 heures, mais évidemment, là, avec t'as débuté à l'avance, mm-hmm. avec un super montage de 11 minutes et 11 secondes à quelques 11 secondes près, qui dans les faits est peut-être un petit peu plus long, mais bon, qui représente en quelque sorte tout l'aspect musical et entertainment et aussi de belles découvertes que j'ai pu faire grâce à l'immensité du répertoire que tu as diffusé depuis ces 400 dernières émissions que j'ai eu la chance d'entendre à ce jour. Mm-hmm. C'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. Ce qui en ressort aussi, c'est la grande complicité que vous avez, Dr. Pendragon et toi, et qui ne fait qu'ajouter à la qualité du format d'émission et de tout son côté académique. Quelle belle célébration du rock que vous offrez à chaque semaine, dit le Castor, un fan du groupe Kiss, qui était en vedette dans une récente chronique de la fonte du doc. Mmh. Si les humains savaient tous les trésors qui se cachent un peu plus à gauche de la bande FM, il serait alors peut-être qu'ils ont perdu toute une vie à écouter des futilités abominatoires sur des postes de radio Gumballoon de la Mauricie. Félicitations Alain pour ces 1000 émissions et merci de continuer à élargir nos horizons dans ce monde fascinant de la musique et particulièrement celle du rock. Signé un fan de rock classique, DJ Tower of Death. Ben, c'est très gentil, ça, c'est très apprécié, vraiment. Ben oui, absolument. Et permets-moi de te dire qu'il a dû travailler énormément sur le montage que tu vas nous diffuser dans peu de temps. C'est un gros travail. Ah oui? Oui. Ah, toi, tu l'as entendu? Ah ben, évidemment. Ouais. Il fallait que je filtre, là. Ça aurait pu être n'importe quoi. on s'en va écouter ça tout de suite. Vous êtes assez fous. Ouais. Mais tout de suite, allons-y avec... C'est oui! King of the Nighttime World! Avec Paul Stanley, bien sûr. Mais oui, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. La seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. The color of time. Who cares for the games we choose? Little to win, but nothing to lose. Would you take me by the hand? Can you show me the shine of your Japan? Dans le lavabo qu'il faut parler, c'est dans le micro. Oui, mais ça ressemble tellement. Ben, je trouve pas, moi. Non? Un robinet et un micro, non. Bon, ben, c'était peut-être pas finalement un robinet dans lequel je parlais. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. On va entendre ZZ Top à la demande de tapageur. Ted Nugent, est-ce qu'il est imbécile? Absolument, dit-il. Et nous allons débuter tout de suite avec Van Halen. Mais qui est le plus imbécile? Ted Nugent ou Donald Trump? Il n'y a même pas de concours. C'est Donald Trump, voyons. Envoyer un message d'amour par courriel. Mais mon serveur m'a dit qu'il est trop volumineux. Alors la technologie m'a trahi et je ne puis te dire à quel point je t'aime, ma belle pitchoune. Et c'est signé, encore une fois, Gros Nounours. Il est vraiment ça. C'est un poète incroyable, c'est un Gros Nounours. Love comes to you, you follow. Non. Ça, t'as raison, c'est quelque chose que je suis incapable. Eater Eternal, oui, je suis incapable. Et moi, j'adore. Distance. Pour moi, là, c'est vraiment du vacarme. Eternal, c'est comme écouter, m'asseoir à côté de la laveuse et écouter les cycles. Ah, mais tu sais, moi, Alain, j'ai fait souvent le test, là. Il y a certains cycles de la laveuse qui sont de pure mélodie. Vous êtes à l'émission avec des cycles, accompagné de ce malade mental qui est le Dr. Ma princesse, le feu a besoin de bois, la neige de froid, le spaghetti de sauce, la poutine de fromage, les chips de vinaigre et moi de toi. Et c'est signé, Chef Boyardee. De dopette, là. Était allé au magasin avant. Mike et Frédéric étaient allés la veille au magasin. Okay. Ils vont toutes les fois qu'ils passent à Montréal, ils achètent toujours pour 400 ou 500 $ de disques. Ce sont de très bons clients. Ils ont tombé d'argent, eux autres. Mais non, j'en ai pas du tout non. comme ça. Ah, je me trompe avec Véronique Sanson. Oui, oui, vraiment. Juste avant ça, ben, le groupe musical, c'était Venom. Hein? Ah, c'était eux autres, ça. Oui, avec Sacrifice, tiré le bas Black Metal. Puis tu trouves que Kronos a une belle voix. Ben, moi, ma blonde, on a toujours aimé la voix de Kronos. Ben, vous êtes tombé sur ça. Ben, t'as raison. Avec Exciter, Heavy Metal Maniac. Je pensais que tu détestais ce groupe-là. Non, j'aime beaucoup Exciter. Ah ouais? Bon, arrête de penser des choses qui n'existent pas, là. Puis de voir des complots partout. Moi, j'ai peut-être tendance à préférer Violence and Force. Ouais? Ouais. Ah, mais mon préféré, ça va toujours rester Heavy Metal Maniac. Mais il est bon, il est bon. Heavy Metal Maniac. Oui, c'est ça, Alain, chante encore. Heavy Metal Maniac. Ah, il y a le tour, mais de tout te rendre ridicule, ce docteur. Parce qu'on rigole, hein? Oui. Oui. Deux caves. Pour ça? Oui, deux caves. Wow! Hey, c'est incroyable le travail qu'il y a là-dedans. Beaucoup, énormément. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de recherches. Il m'a expliqué un peu grossièrement là, quelle avait été la démarche. Puis, merci beaucoup, Tar. Ben oui, vraiment. C'est un bel hommage que tu as fait à cette émission. Puis je dois le dire honnêtement, le travail majoritairement revient à Alain. Parce que c'est lui qui... Moi, je ne fais que des choix que je lui propose. Non, je suis pas vrai, je lui impose. C'est lui qui fait le travail tout derrière ça, de tout ce qui est le montage, l'émission, la préparation, la majorité des recherches. Ce qui veut dire que c'est tout à... Je pense que ce montage-là s'adresse beaucoup à toi plutôt qu'à moi. Moi, je ne suis qu'accessoire dans cette histoire. Mais j'en profite aussi pour dire une chose, c'est que... Comme je l'ai dit dans la chronique de la faune chez les amateurs du Rockmaster, ça fait environ 3 ans maintenant que je collabore de façon assidûment à l'émission. Mm-hmm. Et je dois te dire que je te remercie initialement parce que c'est un grand plaisir. Et c'est aussi un honneur. Ah oui? Oui, tout à fait. Parce que ça me permet d'explorer pleinement et d'exploiter pleinement cette... passion du rock que j'ai, mm-hmm. et tu m'en fais connaître énormément, et je t'en remercie beaucoup. Ben, je suis estomaqué, docteur. Ben, voilà. Et d'ailleurs, je crois que nous avons aussi nos collaborateurs. Ouais. Ben, en fait, notre collaborateur hebdomadaire qui est tapageur, qui voulait te dire quelque chose. Non, mais ça se répète pas ce que tu viens de dire, là. Change les mots. D'accord. Tapageur te fait dire que il est bien content d'être une poire. Mais d'être la poire de rock classique. Et on en a un autre qu'on a oublié, mais qui faisait tout le temps dodo. Ouais, faisait, ouais. Ben oui, il dormait tout le temps. Ouais. C'est Gustave. Ben oui. Bonjour, Gustave. Dis ton message au Rockmaster, Gustave. OK. Gang de parfum, vous m'avez oublié trop longtemps. Bon, désolé. Ben. Et qui plus est, nous aurons peut-être oui. une petite intervention de Bobineau oui, dans l'émission. Ça fait très longtemps que Bobineau n'est pas venu. Absolument. Il allait vraiment pas bien, il filait pas bien. Ben, je le comprends, mais... il est mort. Ah! ridicule. Et une fois de plus, je me rends compte que ce sont les choses les plus ridicules qu'ils font rire. Ben, pourtant, il m'a dit qu'il passerait cet après-midi. Alors, on devrait avoir une petite présence de Bobino pendant l'après-midi. Mais c'est pas... C'est parfait. Avec Bobinette aussi. Ah, ouais. Oh, ben, hey, ouais. le 2 pour 1, ben, en ouais, plus. Ben, ça fait longtemps là, qu'ils sont pas venus, sérieusement. Ça fait un an et quelques, là, quelque chose comme ça. Pas loin de 2 ans, alors. Oh, ben, écoute, non, c'est pas vrai. Il est venu faire une petite incursion l'an dernier. Ah ouais? Très brève, pour nous dire de pas écouter ce que je disais. Ah, je le reconnais bien, là. Ben oui. Alors, on devrait l'avoir, là, pendant l'après-midi. Tant mieux. Oui, oui, oui. Surveillez ça. Hein, Bobido, une de ses rares apparitions maintenant. Sait-on jamais, peut-être qu'Ara Souci aura quelques mois de dire. Ben oui, on espère là, ben oui. Que toute la gang soit là. Là. Ben oui, hein? Toute la gang. C'est vrai qu'on est deux épais. Là. Vous êtes à l'émission à Classique en compagnie de ce hideux et méprisable Dr. Petrakan. Oui, puis je commence à me poser la question, vous évitez-vous. Et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock. À l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous présentons la 1000e émission Rock Classique. Ouais. Et oui, 1000, ça a pris plus de 20 ans. On y est arrivé, la 1000e émission. Et ben, question de souligner la chose, le docteur et moi, nous vous avons préparé un programme très spécial puisque ben, la guitare étant l'instrument dominant dans le rock, nous avons décidé de lui consacrer la 1000e édition en vous proposant aujourd'hui ce que nous considérons comme les meilleurs solos ou parties de guitare de toute l'histoire du rock. Alors, ce sera très subjectif. Non, pas du tout. C'est la pure réalité et la vérité. Oui, oui, oui. Ben, c'est entièrement nos choix à nous, le Doc et moi. Mm-hmm. Donc, au programme, entre autres, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Pink Floyd, Van Halen, Frank Marino, Iron Maiden, mais évidemment, Kiss vont venir. Ben oui. Là, on va y aller avec un petit bloc. Petit bloc assez éclectique qu'on va entendre 10 Years After, mais tout de suite, on écoute... ben ça, c'est mon choix de Jimi Hendrix. Parce que il y a des artistes qui vont se répéter. Oui, hein? Parce qu'on n'a pas choisi nécessairement le même solo. Là, on va aller écouter mon choix personnel pour Jimi Hendrix. Ouais. All Along the Watchtower, vous êtes assez fous. Yeah! Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate, so let us start talking falsely now, the hour's getting late, hey! Thank you. Classique 89 ans. She my wife. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out now and I'm gonna have fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-go. Step on my blue suede shoe. Back into the family of my blue suede shoe. Back that up, down the front. When she grabbed my bed that night, I got room and mean as she be. Top down my pants is all more beating me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Man, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, I love it, babe, I love when walk to me, go. Oh, oh, oh, oh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, oh, oh, how, oh, oh. How. Oh, how, oh, oh, how, oh. How. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, oh, babe. I got a crane. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. Wow! I love you, baby. God, God knows I do. I love you, baby. Lord, God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. oh yeah. Oh baby, oh baby, baby, baby. Yeah, yeah. Ouais, tout d'un bim, un bleu, là, bon, mon temps. Yeah, yeah, tout là, oh, oh. I'm going home. Oh, I'm going home. Oh, oh. Un bim, un bim, un bim, un bon, mon temps. Yeah, yeah, cool, I'm going. She my baby. I'm going home. She my baby, baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Love you, baby. You the red red song. Baby, I love you so. Look out, babe, I'm coming to get you one more time. Go home! Laughter. Please, a warm thank you for 10 years after. After a short intermission, yes. Vous êtes assez fait, assez fait. 89. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! Bonjour, M. Mozart. Chaque samedi matin de 10h à midi sur les ondes de C'est fou, c'est le rendez-vous pour entendre de la belle musique classique. Si vous aimez l'opéra, les concertos, c'est Charles Roberge qui vous invite à écouter chaque samedi matin de 10h à midi. Bonjour, M. Mozart. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Superstitious, a black cat crossed my Jeff Beck avec I Ain't Superstitious. C'est tiré de son premier album en solo, Truth, chef-d'œuvre et classique de 1968. Hein, on pouvait pas faire un spécial des meilleurs solos en passant sous silence Jeff Beck. Hein? Ben non, parce qu'il y a Guitar Hero. Ben c'est ça, il y a beaucoup de gens qui considèrent, dont Steve Hill, là, qui considèrent que c'est le plus grand Guitar Hero de tous les temps. Ah oui? Oui. Juste avant ça, on a entendu un autre grand Guitar Hero. On a entendu... Alvin Lee, ben Ten oui. Years After, avec sa version explosive d'I'm Going Home, enregistré en spectacle lors du festival de Woodstock en 1969. L'album est sorti un an plus tard, en 70. Et au début du bloc, nous avons entendu le Jimi Hendrix Experience avec sa relecture de All Along the Watchtower de Bob Dylan, bien meilleure que celle de Bob Dylan, qu'on retrouve sur l'album Electric Ladyland de 1968. Moi, je trouve que c'est un solo de guitare absolument fantastique. Très bon. Celui très de bon. All Along the Watchtower. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de l'immonde Dr. Pendragon. Hein? Et moi-même, allez le faire à cette émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous présentons la millième oui, émission mille. Rock Classic. J'aime ça dire ça, mille en plus. Ben oui, mille. C'est le fun. Ben oui. Ouais. Ça a tendance à exagérer plein de choses. Oui, fait que dans les faits, ça fait juste 100 émissions. Ça nous a pris 20 ans à faire ça, là. Ça t'a pris 20 ans. Oui, ça m'a pris 20 ans. Oui, ouais, ouais. Alors, c'est pour ça que 2 millième, là, pense pas. Hein? Hein? Non, mais peut-être 1500. Peut-être. Je sais pas. Ben, qui dire. Vivra, verra. Ben, c'est ça. Donc, question de souligner la chose, le docteur et moi, nous vous avons préparé un programme très spécial, puisque la guitare étant l'instrument dominant dans le rock, nous avons décidé... Oh non, la guitare, j'ai compris, la flûte, moi. Non, non, t'es carré dans le prochain bloc, oui. J'ai vérifié. Ah. Donc, c'est ça, on vous présente ce que nous considérons comme les meilleurs solos ou parties de guitare de toute l'histoire du rock. Hein? C'est bien cela. Et là, le bloc arrive avec un premier bloc. Hein? Oui. Hein, c'est ton premier, ça, hein? C'est mon premier de, ouais. C'est mon premier bloc, c'est pas ma première pièce, rappelle-toi de Styx. Oui, évidemment, comment oublier ça, hein? Oh, c'est indélébile. Oui. Premier bloc constitué de 4 pièces dans lesquelles on va entendre les Rolling Stones, on va entendre Led Zeppelin, The Who, bien sûr. Encore une fois. Et encore une autre fois, allons écouter Jimi Hendrix et Purple Haze. Ouais. Hey, mais tu viens de m'allumer, toi, là. Ah, ben là, dis pas ça en nombre, toi. Ouais. Écoute, je veux savoir... Je veux pas allumer personne de la genre masculine. Ce que les gens en pensent, là, je veux savoir, là, sérieusement, qu'est-ce qui était le pire, là? Est-ce que c'était la pièce de Gino Vanelli ou bien celle de... Come Sail Away? De Come Sail Away. Alors, écrivez-nous, là, oui, au Rock Classic. @entremoi.com, on va faire un survey, là, ouais, un sondage, savoir. Là, pour savoir, là, qu'est-ce qui était le pire. Gino Vanelli ou Styx? Hein? Envoyez-nous ça. J'espère que je vais gagner. En attendant, on écoute Hendrix. Hein? Yeah. Vous êtes sur les ondes de Tivor. Yeah. Dimension Rock Classic. Well, the young man, he ain't got nothing in the world these days. I said, young man, ain't got nothing in the world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stepped back when a young man walked by. You know, well, it's an old man's got all the money, and a young man got nothing in the world these days. L'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins à 11h sur les ondes de CIFU. Vous êtes à CIFU? 80 What you see. And baby, baby, baby, do you like? The Rolling Stones et l'excellente All Down the Lines est tirée du non moins bon Exile Main Street de 72. Solo que j'aime énormément. Au départ, je suis un amateur de slide guitar et puis Ron Wood fait un job extraordinaire. Ah, mais là, là-dessus, c'était non, Mick c'est vrai, Taylor. C'est Mick Taylor, c'est vrai, t'as raison. Tout à l'heure, on a passé mon choix des Rolling Stones qui était un solo de Keith Richards, Sympathy for the Devil. Mais c'est vrai, c'est rendu là en 72. Mick Taylor était là. Mais oui, mais il fait un méchant bon guitariste. Ben oui. Mais j'adore le slide. Justement, c'est mon Led Zeppelin et Misty Mountain Hop tiré de LZ4 de 71. Ça aussi, c'est un solo que j'aime beaucoup. Oui, ouais, très bien fignolé, très chanteur, je le trouve mémorable. Pratiquement parfait. Oui, oui, absolument. On va en entendre une autre de Led Zeppelin parce que ça va arriver tout le long de l'après-midi. Là. Oui, oui, il va y avoir des artistes qui vont se répéter. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas fait le même choix nécessairement. Ben, heureusement. Solo. Oui, ben oui, évidemment. The Who et la pièce Young Man Blue, c'est tiré de Haas and Saw de 74. Pourquoi ce solo de Peter Townsend? Parce qu'il est très sloppy, il est très noisy. Oui, c'est son Keith Richards. oui, d'une certaine façon. Et on a presque l'impression par moment que c'est botché. Oui. Mais ça ne l'est pas du tout. Oui. C'est très voulu et ça me plaît énormément. Bon. Bon, moi, ce que j'ai préféré pour les Who, Pete Townshend, c'est son solo à une note. Oui, mais qui est très efficace aussi. Oui, j'en conviens parfaitement. On va revenir là-dessus, l'économie de notes, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Parce qu'on n'est pas obligé de faire 12 000 notes en une demi-mesure. Là, on entendra, je vous le dis tout de suite, là, vous n'entendrez pas Yngwie Malmsteen aujourd'hui. Il n'y aura pas de shredding. Parce qu'on l'aime pas, lui. Oui, oui. Non. Vraiment pas. On est ouvert avec Jimi Hendrix. On retrouve pour la deuxième fois avec l'excellente Purple Haze qui est tirée d'Are You Experienced de 67. Ça aussi, c'est un solo que j'aime beaucoup et qui avait été repris, entre autres, par Frank Marino et Mahogany Rush. Oui, une bonne reprise. Mais très, je dirais, plus poussé, alors que l'original de Hendrix me plaît encore plus. Oui, bien meilleur, quant à moi. Vous êtes en compagnie de cet ignoble Dr. Pendragon. C'est ce que j'ai fait encore, là. Juste le fait d'être là, je suppose. Oui, okay. Entre autres, le sale œil que tu me jettes de temps en temps. Là. Je peux pas en faire deux. Et moi-même, Alain Lefebvre. Et aujourd'hui, nous vous présentons la 1000e émission Rock Classique. Et oui, 1000! Et pour souligner ça, nous vous présentons un spécial, les meilleurs solos de guitare de tous les temps. C'est très subjectif. Évidemment, on ne réussira pas à passer tout. Non, on aurait pu faire deux, trois émissions. J'ai dû mettre de côté, entre autres, une pièce de Genesis, The Musical Box, dont j'apprécie beaucoup le solo, ainsi que Yours Is No Disgrace de Yes. J'aime beaucoup ce solo. Alors, j'ai dû mettre plein de choses de côté. J'ai dû mettre plein de choses plates à la place. Mais là, dans le prochain bloc, c'est un bloc commun, puisqu'on a un choix commun en ce qui concerne Led Zeppelin. Je vais vous présenter mon choix en matière de Led Zeppelin pour ce qui est ce que je considère comme le meilleur solo, le plus mémorable en tout cas, de Jimmy Page. Mais tout de suite, là, moi je suis pas Donald Trump. Là. Moi, je veux pas durer le suspense. Pas du tout. Je vous présente tout de suite mon solo de guitare préféré de tous les temps. T'es-tu sérieux? Oui. Ah oui? Oui, il s'agit solo de Ritchie Blackmore. Ben écoute, je vais te dire que ça tombe à pile parce que le mien est dans le même bloc. Oui. Ah oui? Oui. Ah, donc notre choix commun? Ben non, c'est la dernière pièce du bloc. La dernière pièce du bloc, laisse-moi regarder là. Ah non, il y a une erreur là. Ben moi, il n'y en a pas sur la mienne, en tout cas. OK, parce que c'est Lynyrd Skynyrd, la dernière pièce. Exact. Ah, ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'était notre choix commun. Ah, c'est celui-là? Oui. Ah, d'accord! Oui. Mais là, c'est ça. Là, on écoute vraiment mon solo de guitare préféré de tous les temps, par Ritchie Blackmore, à l'époque où il faisait partie de Deep Purple. À l'époque où il l'endure encore. C'est même, en fait, le solo de guitare qui m'a... poussé à jouer. Inspiré à jouer de la guitare. Ouais. Ouais. Ah, oui? Vraiment. Parce que quand j'ai entendu ça... Je me suis mis à jouer de la guitare de façon très, très, très intense. Je parle très de... fort aussi. Oui, très fort. Il m'a inspiré pour ça aussi. Ouais. Ritchie Blackmore, il avait la réputation de jouer incroyablement fort. Donc, on écoute Highway Star de l'album Made in Japan de Vous êtes assez beau. Ouais!

un chef-d'œuvre à tous les niveaux, Alain. Ah oui. Définitivement. Et c'est un choix commun. Oui. Lynyrd Skynyrd et l'excellente Freebird, qui est tirée de leur premier album de 73, Pronounce Lynyrd Skynyrd. Écoute, le solo est tout simplement mémorable. Ben oui. Il est extraordinaire. Et en fait, la pièce est pratiquement le solo, là, d'une certaine façon. Oui, au oui. moins une bonne la moitié. C'est vraiment merveilleux. Oui. C'est un choix commun. Et je dois dire que c'est mon meilleur solo. De tous. Oui. Oui. Oui. Oui. Juste avant ça, on a entendu Led Zeppelin avec Heartbreaker, un solo mémorable aussi qu'on retrouve sur Led Zeppelin 2. Par en 1969, là, lorsque j'étais un petit garçon, là, je voulais absolument jouer ce solo-là. Ça m'a pris quand même des années avant d'être capable de le jouer comme faux. Mais hein? Tu l'as fait. Mais oui. Mais tu tapais aussi Eruption à l'époque. Oui, aussi. Oui, oui. Oui. Qu'on va entendre aujourd'hui aussi dans cette tour d'éruption, mais ils sont pas les mêmes. Au début du bloc, on a entendu mon solo de guitare préféré de tous les temps. Soit celui de Ritchie Blackmore, de Deep Purple, la version en concert de Highway Star, tirée du disque Made in Japan de 1972. Belle version, bonne pièce. Oui, très bon. C'est une pièce qui est très rock, mais avec des éléments de musique classique là, dans le solo de Blackmore. Absolument. C'est merveilleux, c'est génial. C'est très mélodique. Oui. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui! Et moi-même, Alain Lefebvre. Et aujourd'hui, nous vous présentons la 1000e émission Rock Classique. Et oui, 1000! Hein? Bravo! Hourra! 1000 fois qu'on vous achale, comme ça. Ben, non, pas moi! Non, moi. Moi, toi, ça fait mille fois que tu tapes ses nerfs. Et question de souligner la chose, le docteur et moi, nous vous avons préparé un programme très spécial. Puisque la guitare étant l'instrument dominant dans le rock, on a décidé de lui consacrer la 1000e édition en vous proposant aujourd'hui ce que nous considérons comme les meilleurs solos ou parties de guitare de toute l'histoire du rock. Hein? Alors, c'est très subjectif. Hein? Mm-hmm. Et nous, on trouve que pas besoin d'avoir un solo de guitare échevelé avec 30 000 notes là, en une demi-mesure. Non. Des fois... Et en fait, c'est même ceux-là, je pense, qui m'accrochent le moins. Moi, je suis comme toi, j'aime pas tellement les shredders. J'y trouve pas mal insignifiants et... fatigant. Hein? Ben, honnêtement, là, si je fais un comparatif entre ce qu'on vient d'entendre, Lynyrd Skynyrd et un solo de Kerry King, ben Kerry King, c'est pas n'importe quoi. On s'entend qu'au début, on avait l'impression que c'est n'importe quoi. Tout à fait, mais ça l'est pas. C'est du chaos contrôlé. C'est du chaos contrôlé, mais c'est pas très accrocheur. Hein? Ouais, mais ça m'a accroché dès le... Moi, je trouve que ça manque un peu de peaufinement là, par moment. C'est un peu à l'état brut. Là. Ouais. Mais c'est ce que j'aimais. Ben, tout ça pour dire que Kerry fait énormément de notes. Hein? Ouais. Il fait beaucoup de... Ouais, moi, c'était plus des gens qui me dérangent comme Yngwie Malmsteen. Ouais, ou bien... On en a plusieurs guitar heroes considérés comme ça, là, qui sont des spécialistes d'utiliser à peu près tous les frettes qu'il y a sur un manche. Ouais, là, c'est puis ça. Dans une minute, là. Ouais. Ça me plaît pas. En une mesure, 12 000 notes. Ouais, non. Non, c'est ça. On n'entendra pas ça aujourd'hui parce que c'est subjectif. Hein? D'ailleurs, on va en avoir un excellent exemple avec le prochain bloc. Oui, exactement. Économie de notes et puis surtout la première pièce qu'on va entendre, un excellent exemple d'Alex Lifeson de Rush, la pièce Different Strings. Ouais. Hein? On écoute ça. Ah, c'est fou, 89 FM. Tu l'as dit. Come to slay the dragon, come to watch him fall, making arrows out of pointed words, giant killers at the call. Too much fuss and bother, too much contradiction and confusion. Come along. Classique 89.1. Smoke on the road. Pink Floyd, évidemment. Oui, mais ça aussi, c'est un choix commun. Ah oui? Oui, oui. Tu ne m'avais pas dit ça, toi. Avoir su, j'aurais changé de pièce. L'excellente Comfortably Numb qu'on retrouve sur l'album de 1980, soit The Wall. Selon moi, c'est un des plus beaux solos de guitare du rock. Oui, ben oui. Ouais, très, tellement efficace. Oui. Avec, je dirais, comme on le disait un peu avant ce bloc-ci, avec non pas une multitude de notes, non pas une performance incroyable, mais simplement un feeling incroyable. Oui, très aérien. Tout à fait. Mm-hmm. Et parlant d'économie de notes, juste avant, on a entendu Rush avec Different Strings. C'est tiré de l'album Permanent Waves de 1980. Et je trouve que, ben, pour moi, c'est un solo absolument mémorable. Très beau solo. Parfait, oui. Vraiment beau. Quelques harmoniques et puis quelques notes et c'est ça. Beaucoup de goût. Oui. Hein? Vous êtes à l'émission Rock Classic et aujourd'hui, nous vous présentons la 1000e émission Rock Classic. 1000! Oui. Et, pour souligner ça, nous avons décidé de vous présenter une émission spéciale, les meilleurs solos de guitare de tous les temps, selon nous. Hein? De tous les temps, depuis la préhistoire, évidemment. Oui, évidemment. À l'époque, on jouait avec des... carrément sur du rock. Oui. Carrément sur du rock. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et là, on va continuer dans cette mouvance économie de notes avec trois excellents exemples dans le prochain bloc. On va entendre Uriah Heep. On va entendre George Harrison avec les Beatles. Mm-hmm. Et tout de suite, on écoute. Et ça, c'est vraiment un solo hallucinant, incroyable, merveilleux. Un solo qu'on retrouve sur une pièce de Paul McCartney. Hein? Oui. La pièce My Love. C'est tout à fait ça, là. Tu t'es pas trompé. Vous êtes assez vous. Toi-même. When I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love. I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Does it go? 89.